بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On est aujourd'hui au cours numéro 17 dans l'explication du livre شرح أركان non شرح أصول الإيمان. C'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications du Cheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et au dernier cours, on expliquait le hadith al-Qudsi. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. Et ce hadith là, il est dans l'Arba'un al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et en passant, les frères, je vous encourage fortement à étudier les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et d'essayer de les mémoriser, ces 40 hadiths là, car ces 40 hadiths sont les hadiths qui résument la religion de l'islam et les règles de la religion de l'islam. Donc, étudiez ces hadiths-là et essayez de les mémoriser en arabe. Et le bienfait de les mémoriser en arabe, il y a dedans beaucoup de choses bénéfiques. Et parmi les points bénéfiques qu'il y a dans le fait de les étudier en arabe et de les apprendre en arabe, il y a déjà le fait de connaître ces hadiths-là dans leur langue de base, c'est-à-dire tu vas connaître exactement les termes qui ont été employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chaque sujet, ce qui fait que tu te sépares d'avoir besoin d'une traduction pour ces hadiths-là, puisque tu connais le terme exact en arabe dans la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De deux, tu vas augmenter ton vocabulaire en arabe. Donc, tu vas avoir une connaissance de certains mots, de certains verbes qui vont t'aider dans ta connaissance de l'arabe général. Et en plus de ça, donc, ça peut en même temps t'aider par rapport à ta connaissance de la religion, puisque ces 40 hadiths-là, c'est les hadiths qui résument les principes de base de l'islam, les plus importants hadiths. Et parmi les hadiths qui existent dans la sunna, il y en a des milliers et des milliers de hadiths, d'accord? Sauf que ces hadiths-là, ces 40-là, sont parmi les hadiths les plus importants de la religion musulmane, parce qu'ils réunissent des fondements et des principes de la religion qui t'aident à comprendre le reste. Donc même si tu ne connais pas les autres hadiths, le fait de connaître ces 40-là, eh bien, ça t'aide à avoir une base pour comprendre tout le reste de la religion. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi, il les a réunis ensemble pour pouvoir les mémoriser et les comprendre. Hein? Et vous allez voir avec le temps, si vous l'étudiez, si vous les apprenez, ces 40 hadiths-là, il n'y a pas une situation ou une occasion qui se présente sur un sujet quelconque, excepté que vous allez pouvoir retrouver dans ces 40 hadiths une référence de la religion qui s'y attache ou qui a un lien avec. Donc, il n'y a pas une occasion, excepté qu'il y a quelque chose qui va se passer, vous allez trouver une parole parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces 40 hadiths-là qui s'y appliquent et qui peuvent être utilisées justement comme une référence ou comme une preuve sur ce sujet-là, dans tous les différents aspects de la religion. Donc, c'est des 40 hadiths très importants. Et le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ici, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit, « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, inna Allah tabaraka wa ta'ala qal, man aadali waliyan faqad aadantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya, من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري. Donc le hadith, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que certes Allah tabaraka wa ta'ala a dit, hein, celui qui a de l'animosité ou qui s'oppose à un de mes serviteurs rapprochés, c'est-à-dire mon wali, alors je lui ai certes déclaré la guerre. Et il dit, mon serviteur ne va pas s'approcher de moi par quelque chose qui est plus aimé de moi que ce que je lui ai ordonné de faire, ce que je lui ai rendu obligatoire de faire. Donc si tu veux te rapprocher d'Allah par quelque chose qui est le plus aimé d'Allah, eh bien commence par faire ce qui est obligatoire. Et il dit ensuite, et mon serviteur continuera à se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime en faisant des actes surérogatoires, des actes des nawafil, hein. Donc, c'est-à-dire, après avoir fait ce qui est obligatoire, il va se rapprocher de moi encore plus, hein, en faisant des actes surérogatoires, des actes volontaires d'adoration, jusqu'à ce que je l'aime. Hein, quand il va faire ça, alors à ce moment-là, je vais l'aimer. Et lorsque je l'aurai aimé, eh bien, il dit, je serai son ouïe par lequel il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il frappe, et sa jambe par laquelle il marche. Et s'il me demande quelque chose, je lui donnerai. Et s'il cherche refuge en moi, hein, eh bien, je le protégerai. Et je n'hésite pas, hein, vis-à-vis de mon serviteur de faire quelque chose plus que de prendre son âme, hein, de mon serviteur croyant. Je n'hésite pas à faire quelque chose vis-à-vis de mon serviteur croyant plus que de prendre son âme, parce que la mort lui déplaît et je déteste lui déplaire ou lui faire, hein, ce qu'il n'aime pas. Mais il n'a pas le choix, hein. Il n'y a pas de choix de la mort, c'est-à-dire c'est quelque chose de nécessaire, parce que si tu meurs pas, tu peux pas aller au paradis, hein. Donc on est obligé de mourir. Et il dit wa qawluhu. Donc l'explication du hadith à partir de là où on était rendu, c'était la partie où il dit qawluhu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min ada'i ma aftaradtuhu 'alayhi. Wa hadha fihi kama sabaq ithbat sifat al-hubb lillah 'azza wa jalla wa annahu subhanahu yuhibbu al-ashkhas wa al-a'mal as-salihah allati tu'malu min qibalihim. وفيه أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل فينبغي على الإنسان أن يحافظ على الفرائض أولا ثم يأتي بالنوافل أما أن يأتي بالنوافل ويترك الفرائض فهذا على عكس ما يحبه الله وهذا لا ينفعه إذ لا تقبل النوافل إلا بعد أداء الفرائض فينبغي للمسلم الاهتمام بأداء الصلوات الخمس وصوم رمضان ودفع الزكاة وأداء فريضة الحج وكل ما افترضه الله عليه كالبر بالوالدين والإحسان إلى الأقارب فالأصل في هذا هو أداء الفرائض أولا ثم بعد ذلك التزود بالنوافل وهذا هو الأساس السليم للأعمال الصالحة. Donc ici, le cheikh, il explique que dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, mon serviteur, hein, ne peut se rapprocher de moi ou ne va pas se rapprocher de moi par quelque chose que j'aime plus que, yani, ce que je lui ai ordonné de faire. Donc il dit, comme on l'a expliqué déjà, hein, il y a dans cette partie du hadith l'affirmation de l'attribut de l'amour à Allah Azza wa Jal, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime certaines personnes, hein, les gens du bien, les gens de la foi, et certaines actions parmi les bonnes œuvres que les serviteurs font. Et il y a dans le hadith également le fait que les actes obligatoires sont plus aimés d'Allah que les actes volontaires. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut garder les actes obligatoires en premier. Puis ensuite, on fait les actes volontaires. Tandis que de faire des actes volontaires sans faire les actes obligatoires, il dit ça, c'est le contraire de ce que Allah aime. Et ce ne sera pas profitable ou bénéfique à la personne qui fait ça. Hein? Donc si quelqu'un, par exemple, il dit, moi je vais faire raka'atayn, il fait toute la journée raka'atayn, mais il ne prie aucune des cinq prières obligatoires, seulement des nawafil, il dit, ben je prie. Oui, tu pries, mais tu ne fais pas ce qui est obligatoire. Ou bien il jeûne tous les jeudis et lundis, mais il ne jeûne pas le ramadan. Hein? Donc ça, c'est des exemples pour dire que ce ne sera pas accepté de sa part. Ce ne sera pas bénéfique pour lui. Parce que les actes surérogatoires ne vont être acceptés qu'après avoir fait ce qui est obligatoire. Le cheikh, il dit ensuite qu'il faut donc que le musulman donne de l'importance à appliquer et à pratiquer les choses obligatoires comme les cinq prières, le jeûne du ramadan, donner la zakat, donner les fara'id, hein, faire le hajj, faire les choses obligatoires en premier. Et aussi de respecter ce que Allah a ordonné de la religion, comme par exemple obéir aux parents, être bon envers les proches. Donc ça, c'est la base. Hein, parce que c'est l'application de qu'est-ce qui est ordonné et obligatoire dans l'islam. Donc tu dois faire ça en premier avant de commencer à faire des actes surérogatoires ou volontaires. Donc ça, c'est la base qui est correcte et qui est bonne en ce qui concerne les bonnes œuvres. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Hein? Et tu vois, par exemple, certains musulmans, j'en ai vu, hein, j'en ai vu des fois qui, par exemple, ils vont venir pour la prière d'Eid, mais ils ne font pas les autres prières. Quand c'est l'Eid, ils viennent, parce que c'est la fête. Donc, ils viennent prier l'Eid. Et je me rappelle une fois, Yanni, j'étais dans une mosquée, ça fait très longtemps, Yanni. Et il y a un monsieur qui venait à la salat d'Eid avec son enfant pour la... Ou bien, même c'était même pas la prière d'Eid, c'était la nuit du 27e jour, la 27e nuit dans le ramadan. Il venait avec son fils pour le tarawih. Et son fils, il était dans la place où on fait le wudu. Il dit, mais je sais pas faire le wudu. Et son père, il lui dit, comme s'il lui montre, ah ok, ben, tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Ça m'a un peu choqué de voir ça, parce que je me dis, il était assez... c'était pas un petit enfant, là. Il avait peut-être 13, 14 ans, le jeune. Puis le père qui lui avait pas encore enseigné comment faire le wudu à son âge, et qui venait à la prière de Tarawih, qui n'est pas une prière obligatoire. Tarawih, c'est surérogatoire. Et qui lui enseigne à ce moment-là le wudu, comment faire le wudu. Et en plus, l'idée que, parce que c'est la 27e nuit, c'est Laylatul Qadr, donc ça vaut 1000 mois de prière, donc ça veut dire... C'est comme si pour dire on prie pas, mais c'est pas grave parce qu'on prie cette nuit-là et ça va nous sauver d'avoir pas prié les prières obligatoires. C'est exactement ce genre de mentalité-là qui est réfuté par ce hadith. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici que il n'y a rien que mon serviteur peut faire de la religion que j'aime plus que ce qui est obligatoire en premier. Donc si tu vas venir pour faire des actes surérogatoires, si tu veux par exemple avoir la récompense de Laylatul Qadr, eh bien, pour l'obtenir cette récompense-là, il faut commencer par faire ce qui est obligatoire en premier. Tu ne vas pas avoir la récompense de 1000 mois, hein, dans cette nuit-là, si c'était vraiment la 27e nuit, parce qu'il n'y a rien qui il n'y a rien qui prouve de façon certaine que la nuit de Laylatul Qadr, c'est la 27e. D'accord ? Déjà, ça, c'est en partant. Et même si c'était le cas, que c'était vraiment la 27e nuit qui était Laylatul Qadr, pour obtenir la récompense de cette prière, ou des prières qu'on fait pendant cette nuit-là, et des actions qu'on fait dans cette nuit-là, il faut commencer par faire les prières obligatoires quotidiennes, qui sont les 5 prières. Mais si quelqu'un, il prie jamais, puis après ça, il vient pour faire Laylatul Qadr en pensant qu'il va avoir la récompense de 1000 prières, ou 1000 mois, non, ça c'est pas une compréhension correcte. Et ça fait partie des ruses du shaitan. Et beaucoup de musulmans, malheureusement, ont été trompés par le shaitan dans ces questions-là. En fait, c'est pas nécessaire d'être dans l'ordre. C'est-à-dire, c'est pas obligé d'être zalim li nafsi avant d'être muqtasid ou d'être sabiq bil khayrat. Tu peux être sabiq bil khayrat directement. C'est-à-dire que c'est pas un ordre. Il n'y a pas d'ordre. Dans le sens que c'est pas que tu commences par un, puis après tu deviens l'autre, puis après tu deviens l'autre. Non. En fait, tu devrais toujours essayer d'être parmi les sabiqina bil khayrat. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa umirtu an akuna awwal al muslimin. Hein? »« Qul inni » J'ai été ordonné d'être parmi les premiers à se soumettre, les premiers musulmans. Donc chacun d'entre nous, on devrait toujours essayer d'être le premier à se soumettre. D'accord ? Et d'être parmi les sabiqin, les khayrat. Ben en fait, juste pour clarifier, qu'est-ce que le cheikh il explique, c'est que par rapport à ce hadith-là, il faut comprendre une chose. C'est que tu ne peux pas faire des actes surérogatoires et délaisser les choses obligatoires. C'est ça que ça veut dire. Fais les choses obligatoires en premier, puis une fois que tu les as fait, après tu fais ce qui est surérogatoire. C'est aussi simple que ça. Et justement, on va expliquer la suite. Le cheikh dit « Wa qawluhu wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu » والنوافل هي العبادات غير المفروضة سواء في الصلاة أو في الصدقات أو في الصيام أو في الحج والعمرة فكل عمل صالح ينقسم إلى قسمين فرائض ونوافل فيبدأ بالفرائض أولا ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل فينبغي التقرب إلى الله بالوصول إليه من خلال هذه النوافل وأما عصيانه فإنه يؤدي إلى الابتعاد عنه جل وعلا فالتقرب إلى الله إنما يكون بالطاعات والابتعاد عنه جل وعلا يكون بعمل المعاصي وقوله حتى أحبه فكما ذكرنا فيه إثبات صفة الحب لله عز وجل وأنه يحب عبده الذي يتقرب إليه بالفرائض أولا ثم بالنوافل. Donc le cheikh il explique que le serviteur, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit et mon serviteur continuera de se rapprocher à moi, hein, il se rapproche de moi en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et les actes surérogatoires qu'on appelle nawafil en arabe, eh bien, c'est le pluriel, nawafil, c'est le pluriel de nafila, hein, et c'est les actes qui ne sont pas obligatoires, peu importe que ce soit dans la prière, salat, ou bien dans les actes de charité, sadaqat, c'est-à-dire l'aumône, ou bien dans le jeûne, siyam, ou bien dans le hajj et la umrah. Dans chacune de ces adorations, il y en a qui sont des obligations, et il y en a qui sont des actes volontaires surérogatoires. Donc, par exemple, les salawat, il y a les 5 prières obligatoires, et il y a des actes surérogatoires ou supplémentaires que si quelqu'un veut les faire, il peut les faire, mais ce n'est pas obligatoire de les faire. Et donc ça, c'est un exemple ici. Et les sadaqat, c'est la même chose. Tu peux donner la zakat, ça c'est obligatoire. Hein, si tu rentres dans les gens, dans la catégorie des gens qui ont les conditions pour que la zakat soit obligatoire pour eux. Hein, les gens qui ont beaucoup d'argent, eux ils payent la zakat. Et en dehors de la zakat, il y a les sadaqat, les actes de charité et les nafaqat et tout ce que tu peux donner. Hein, c'est des choses qui sont pas obligatoires. Donc quand c'est obligatoire, ça fait partie des fara'id. Quand c'est volontaire, ça fait partie des nawafil. Et le jeûne, la même chose aussi. Il y a le jeûne du ramadan qui est obligatoire. Et il y a les autres jeûnes que quelqu'un peut faire durant l'année qui sont recommandés, volontaires, qui ne sont pas obligatoires. La umrah et le hajj aussi. Le premier hajj que tu fais, c'est ça, c'est l'obligation. Si tu veux en faire d'autres par la suite, c'est volontaire. C'est pas obligatoire. La même chose pour la umrah. La umrah, la première umrah que tu fais, c'est obligatoire. Et les autres que tu fais par la suite, c'est des umrah surérogatoires, c'est-à-dire des nawafil. Et ainsi de suite. Donc, le cheikh, il dit qu'il faut donc se rapprocher d'Allah yani, en faisant yani, ces actes surérogatoires. Tandis que si tu fais des péchés, eh bien ça t'amène à t'éloigner d'Allah. Si tu désobéis à Allah, ça t'amène à t'éloigner d'Allah. Et si tu veux te rapprocher d'Allah, c'est en faisant des actes d'obéissance et en t'écartant des péchés. Hein? Et il dit, jusqu'à ce que je l'aime, c'est-à-dire que dans cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme donc encore une fois l'attribut de son amour. Hein? Et il aime ses serviteurs qui se rapprochent de lui, premièrement en faisant les actes obligatoires, puis ensuite par les actes surérogatoires. Il dit wa qawluhu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa ma'na dhalika kama fassarahu fi akhir al-hadith biqawlihi ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه آخر الحديث يفسر أوله والمراد أن الله جل وعلا يكون معه معية خاصة يكون معه معية خاصة فيسدده في أقواله وفي أفعاله هذا معنى قوله أو هذا معنى قوله يعني كنت سمعه الذي يسمع به ليس معناه أنه جل وعلا معه معية حسية تقتضي المخالطة أو يختلط في جسمه كما تقوله الحلولية والبهائية مما يعتبر من الكفر والإلحاد ولكن معناه أنه سبحانه يكون معه معية خاصة تقتضي التوفيق والهداية والتسديد في جميع تصرفاته وهذا نتيجة محبة الله له وهذا كله حاصل من التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والنوافل ففيه يعني فضل التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل لشيخ الدي et une fois que je l'ai aimé يعني parce qu'il a fait ses actes obligatoires il a fait ses actes surérogatoires et bien à ce moment là je vais être son ouïe par lequel il entend sa vue par laquelle il voit. Et le cheikh, il dit, ça veut dire quoi? Il dit, si on regarde la fin du hadith, qu'est-ce qui vient après? Ça explique ce qui est dit maintenant. C'est-à-dire que ils disent, et s'il me demande, je lui donne, et s'il cherche refuge en moi, je vais le protéger. Donc cette partie du hadith-là explique ce qui vient avant, c'est-à-dire que celui qui yani, fait ce qui est obligatoire, et qui fait ce qui est recommandé de la religion et qui s'écarte de ce qui est interdit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner le succès dans ses paroles et dans ses actions. Et il va faire en sorte que il n'entende, il va faire en sorte que ce qu'il entend, c'est uniquement ce qui est bon et ce qui est licite. Et ce qu'il voit, c'est uniquement ce qui est bon et ce qui est licite. Ce qu'il touche ou ce qu'il fait avec ses mains, c'est seulement ce qui est licite, ce qui est bon. et ce qu'il fait avec ses jambes, uniquement ce qui est bon et ce qui est licite. Hein? Et Allah lui donne le succès dans ça. Il lui donne la guidance dans ces choses-là. C'est ce que signifie donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit ça. Et ça ne veut pas dire, hein, contrairement à ce que disent les gens de l'égarement, qui pensent que ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala est mélangé, hein, réellement avec sa créature, dans le sens qu'il est mélangé avec sa créature d'une manière qui implique un mélange, hein, entre Allah et sa création, ou qu'il il est à l'intérieur même du corps de sa créature, ou des choses de ce genre, comme le disent les soufis et hérétiques parmi les Hululiyah et d'autres sectes égarées comme les Baha'iyah. Eh bien, ça c'est clair que c'est de la mécréance, et c'est de l'égarement total de croire en ça. Hein, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala se mélange avec sa créature, un peu comme les chrétiens croient en l'incarnation de Dieu en Jésus, ou les hindous qui croient en l'incarnation de Dieu en certaines personnes parmi les avatars qu'ils ont affirmés, ou les avatars, aujourd'hui on utilise ce terme là pour dire des représentations numérique ou pas numérique, mais virtuel de notre personne sur Internet. On appelle ça des avatars. Mais à la base, le mot avatar, ça vient de l'hindouisme. Hein? Oui. Avatar, ça vient de l'hindouisme. Et c'est parce que eux, ils disent dans l'hindouisme que les différentes divinités qu'ils ont, c'est comme si Dieu, il prenait leur corps à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un nouvel avatar, en fait, c'est comme si c'est une nouvelle enveloppe que Dieu adopte. D'accord? Et un peu comme les chrétiens aussi, ils ont cette idée que Jésus, c'était Dieu incarné, comme ils disent. Mais en fait, même quand les chrétiens sont arrivés en Inde, les hindous en ont fait un de leurs avatars. C'est comme s'ils ont avalé le christianisme et ils en ont fait une partie du judaïsme. Ils en ont fait une partie de l'hindouisme en réalité. Parce que pour eux, ça change rien en réalité. C'est-à-dire que tu dises que tu crois que Dieu est entré dans Shiva ou dans Rama ou dans Vishnu ou dans Ganesh ou un autre. Il n'y a pas beaucoup de différence pour eux que de dire qu'il est entré dans Jésus ou dans un autre d'entre les êtres humains, puisque ça fait partie déjà de leur croyance. Et donc, ici, le cheikh, il explique que cette croyance, ça, c'est de penser que Dieu se mélange avec sa créature, qu'il devient un avec sa créature, ou des choses comme ça, ça fait partie des croyances des hérétiques. Il y en a qui croient en ça parmi les soufis, on les appelle al-hululiyya, parce qu'ils croient que Allah yahillu fi makhluqatihi. C'est-à-dire il entre dans ses créatures, il se mélange avec elles. Donc il y a la croyance des soufis qu'on appelle al-hulul. Il y a aussi la croyance qu'ils ont aussi qu'ils appellent al-fana. Al-fana, c'est-à-dire le fait de que Allah certaines créatures se dissout en Allah. Hein? Aussi la croyance qu'ils appellent wahdatul wujud. Wahdatul wujud, c'est-à-dire de croire que tout ce qui existe, eh bien, c'est en réalité Allah. Et qu'il n'y a rien qui existe en réalité, excepté lui. Donc, tout ce qui existe, c'est lui. Et, par conséquent, pour eux, il n'y a pas de différence entre créateur et créature. Le créateur et la créature ne sont qu'une seule existence qui est Allah. Et, pour eux, en réalité, ces égarés-là, ils disent que si tu dis qu'il y a si tu dis qu'il y a une différence entre le créateur et la créature, à ce moment-là, tu n'es pas un muwahhid. Tu n'as pas cru en l'unicité. Tu as cru en la dualité. Donc, tu n'es pas un muwahhid. Tu n'as pas cru en l'existence d'une unicité. Tu crois en une multiplicité ou une dualité. Alors, par conséquent, pour eux, tu es un mushrik. Hein? Donc, si ils disent si tu adores l'idole, ou tu te prosternes devant une statue en croyant que cette statue est Allah et que tout ce qui existe est Allah, dans ce cas-là, tu n'es pas un mushrik. Mais si tu te prosternes devant cette idole en croyant que cette idole est différente de Allah, alors dans ce cas-là, ils disent, oui, là, dans ce cas-là, tu es un mushrik. Yani, ça, c'est les croyances d'un hérétique qu'on appelle Ibn Arabi. Hein? Ibn Arabi, c'est un hérétique égaré. Et je lisais un article l'autre jour, justement, à ce sujet-là. Ils l'ont appelé, je ne sais pas comment ils disaient. En tout cas, oui, non, c'est ça. Il mentionnait l'islam christianisé, en fait. C'est comme si c'était une version chrétienne de l'islam. Hein? Et c'est pour ça que quand tu regardes vraiment les exemples des soufis et les chrétiens, tu vois qu'ils sont toujours ensemble, ces deux-là. Et ils se ressemblent beaucoup. Les chrétiens et les soufis se ressemblent parce qu'en réalité, leur croyance, elle est très similaire. Hein? Naam. Tu voulais dire quelque chose, Abdul Wahab? Effectivement, effectivement. Et aussi, en même temps, les salafs, ils ont compris le hadith de cette façon et personne n'a interprété le hadith de la façon de ces hérétiques-là, excepté ces gens-là quand ils sont apparus avec ces idées déviées-là. Donc, ça fait partie des bid'ah, hein, des innovations que ces gens-là ont introduites dans l'islam. Et comme si... Il ne faut pas penser que ces gens-là, ils n'existent pas, là. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent ça, mais ça, personne ne dit ça, ou il n'y a pas de gens qui croient en ça. Eh bien, jusqu'à ce que tu rencontres un d'entre eux qui ose le dire publiquement, eh bien, tu vas être étonné et choqué de voir que ces gens-là, ils croient effectivement réellement en ces choses-là. Et moi, j'en ai rencontré certains d'entre eux, justement, et c'est pour dire que c'est pas des choses qu'on trouve juste dans les livres. Il y a effectivement des gens qui se disent musulmans et qui ont ces croyances là donc il faut faire attention à ça. Ensuite le cheikh il dit, ah, wa alaykoum salam wa rahmatullah, naam. Donc il dit que celui donc qui fait ce que Allah ordonne, qui s'écarte de ce que Allah interdit et qui fait les actes surérogatoires, ce hadith-là signifie donc que cette personne, il sera avec Allah d'une façon particulière, dans le sens que Allah va lui donner le succès, la guidance et son support dans toutes ses actions et dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est le résultat de l'amour que Allah a pour lui. Et donc, tout cela, c'est le résultat donc du fait de qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal en faisant les actes obligatoires et les actes surérogatoires. Et il y a dans cela le mérite de se rapprocher d'Allah par le fait de faire des actes obligatoires et surérogatoires. Ensuite, il dit le cheikh, wa qawluhu wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qadd nafsi 'abd al-mu'min. Allah Jalla wa Ala yuhibbu ma yuhibbuhu 'abduhu al-mu'min wa yakrahu ma yakrahu. Fal-mu'minu yakrahu al-maut wallahu Jalla wa Ala yakrahu dhalika lah. Walakin la budda minhu. La budda minhu. Wa li hadha qala wa ma taraddadtu wat-taraddud yakunu bayna shay'ayn walakin Allah Jalla wa Ala la yataraddad. وإنما معناه كرهت وهو ما جاء في آخر الحديث والمراد ما كرهت شيئا أشد من قبض روح المؤمن لأن الإنسان بطبيعته يكره الموت وحتى البهائم تكره الموت ولكن لا بد له منه وقوله أكره مساءته يفسر قوله ما ترددت. فالحديث يفسر بعضه بعضا فإما أن يكون في حديث واحد أو في حديث آخر وكذلك كلام الله يفسر بعضه بعضا ومثل هذا يحتاج إلى فقه وعدم استعجال في الفهم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc ici ensuite Hein, et je, yani, y a rien que je déteste plus faire que yani, prendre l'âme de mon serviteur. C'est ça que ça veut dire quand il dit hein, je n'hésite pas de faire quelque chose comme j'hésite de prendre l'âme de mon serviteur, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce que son serviteur aime. Et il déteste ce qu'il déteste. Hein, son serviteur croyant. Donc, le serviteur, il, le croyant, il n'aime pas mourir. Personne n'aime mourir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas non plus pour lui la mort. Mais sauf qu'il n'a pas le choix hein, de mourir. Hein, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre possibilité que la mort, parce que tout le monde doit mourir. Donc, quand il dit « je n'hésite pas », ce n'est pas dans le sens d'hésiter entre deux choses ici, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'hésite pas. Hein? Allah n'a pas d'hésitation, hein? Puisqu'il est parfait, il sait tout, et hein, il est au-dessus de tout. Mais quand il utilise cette expression ici, c'est dans le sens qu'il déteste, hein, ou qu'il lui déplaît. Cette chose-là lui déplaît ou qu'il la déteste. Et la preuve de ça, c'est du fait qu'à la fin du hadith, il mentionne lui-même le fait que l'être humain, la mort lui déplaît. Et il lui déplaît, il déplaît à Allah de lui faire ce qu'il n'aime pas. D'accord? Donc, cette explication-là, elle vient du hadith lui-même. Que le sens de Taraddadtu en arabe c'est hein, akrahu, puisque dans la fin du hadith c'est expliqué par le hadith. Donc le hadith, la fin du hadith explique le hadith, hein, ou qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith précédent, dans, au début du hadith, le début du hadith est expliqué par sa fin. D'accord. Donc ça c'est souvent le cas dans les hadiths, et le cheikh il explique donc qu'il y a beaucoup de hadiths comme ça, ils s'expliquent eux-mêmes. Comme le hadith qui dit لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. Donc le hadith par exemple qui dit n'insultez pas le temps car je suis le temps. Je fais changer le jour et la nuit. Je fais tourner le jour et la nuit. Donc il faut pas comprendre de ce hadith là par exemple que Allah c'est le temps ou que un des noms d'Allah c'est le temps. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala il explique lui-même dans la fin du hadith. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit qu'il est le temps? Ça veut dire que c'est lui qui contrôle le temps. Hein? Il fait tourner le jour et la nuit. Donc c'est lui qui gère le jour et la nuit. Non pas que lui-même il est le temps. Hein? Dans le sens que on va dire Allah est le temps ou qu'un de ses noms c'est le temps. Non, il n'y a personne qui a dit ça parmi les ulama que Allah était le temps. Mais il explique « Ana uqallibu al-layla wa al-nahar » C'est lui qui fait tourner le jour et la nuit. Donc dans ce sens-là, on dit que il dit qu'il est le temps. Et ça veut dire que la fin du hadith explique le début. Et dans ce hadith-là, c'est la même chose aussi. Et parfois, le cheikh dit, tu vas trouver l'explication d'un hadith, non pas dans le hadith lui-même, mais dans un autre hadith. Hein? Et parfois, d'un verset, tu vas trouver qu'un verset explique un autre. Donc, la parole d'Allah, elle s'explique elle-même. Et les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles s'expliquent elles-mêmes aussi. Donc, ça demande par contre de la connaissance, de la compréhension et de ne pas se précipiter hein, dans la compréhension. Parce que les gens de Bid'a et les Hizbin ou bien les gens de Bid'a parmi les gens de Ta'wil, comme les Asha'ira et les gens de cette catégorie-là, eux, ils vont se précipiter à renier le Hadith. Ils vont dire non, ça c'est pas possible, on peut pas attribuer ça à Allah et des choses de ce genre. Hein? Pourquoi ils ont recours à ça? Parce que ils n'ont pas compris déjà en partant, ils n'ont pas compris le hadith. Et qu'est-ce qu'il signifie? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, de toute façon, il mentionne dans le Coran, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il est l'audient et le voyant. Et le hadith, si on le comprend comme il faut, on n'a pas besoin de le déformer dans son explication, puisqu'il s'explique lui-même. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite du hadith suivant. On continuera le hadith suivant, l'explication, au prochain cours, Inch'Allah. Et le prochain hadith, c'est le hadith 26. « Ithbatu nuzulillahi ta'ala ila sama'id dunya ». C'est-à-dire le fait qu'on affirme la descente d'Allah au plus bas des cieux, au dernier des cieux, yani, et on va lire l'explication de ce hadith-là au prochain cours, inshallah, avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Et c'est un sujet extrêmement important, et c'est relié, bien entendu, à la aqidah. Donc, on expliquera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته